Puis d'ailleurs, ce matin, je suis content d'être un pro la bombe ce matin. J'en suis un, en passant. Vous pouvez m'écrire jusqu'à 5h30, là, après-midi, là, pour me reprocher d'aimer la bombe. André, là, si vous voulez. Les chats de cul à la bombe! Ouais. Ah, lui... Il est pas parfait, là. J'ai jamais dit qu'il était parfait, le maire. Il en a échappé une coupe, là. Il te donne un colisée, puis tu pardonnes ouais. tout. Mais moi, à matin, là... Endetter tes enfants, Landry. Je vais te dire une affaire. À matin, s'il y avait une élection, là, si c'était à matin l'élection, je mettrais mon X dans le carré Régis Labeaume avec une très grande fierté. Tu sais, des fois, on vote pas avec enthousiasme. Ouais. Au provincial, moi, je suis prêt à voter par enthousiasme. Il y a du monde qui, soit ils vont reculons ou ils vont tout simplement pas. Hein. Si l'élection était ce matin, je mettrais mon X dans le carré Labeaume avec enthousiasme. Et qu'est-ce qu'il a fait hier pour te faire plaisir de même? Ça a été sa meilleure journée de la campagne électorale, j'ai trouvé. Même s'il était un peu fatigué, puis on le voit encore, là, il était un peu fatigué. Et pensez à ça, là. Si on était ce matin à... Tu sais, si on regardait, mettons, les journaux, je sais pas moi, de Denver... Et qu'on voyait dans le Denver Post un maire là-bas qui dirait qui veut abolir les planchers d'emploi dans sa municipalité puis qui veut mettre les syndicats au pont, on applaudirait puis on dirait waouh, ça nous prend un maire comme c'est ça. Un homme de même, ça nous prendrait. Exactement, on se rend pas à moison puis on en parlerait pendant une demi-heure. On est bon là-dedans. Ben c'est ça. Ouais. Et si on voyait un maire là qui attaquait les syndicats publiquement puis qui traitait d'être des corporatistes, parce que c'est un peu ça que Régis Labeaume a fait hier. Si on entendait un maire d'une ville américaine nous dire que les syndicats sont là pour faire de l'argent puis qu'il faut que ça arrête, on serait heureux. Écoute, il y en a, là, il y a d'autres commentateurs, là, qui seraient en train, en plein orgasme, nous aussi, là. C'est drôle, hein, parce ouais. que il y a bien des détracteurs de Régis Labeaume qui souhaitaient qu'un jour un politicien se lève ouais. pour prendre les syndicats de front. C'est ça. C'est ça. Mais on pensait-tu que les syndicats allaient dire « Ah, OK ». Ouais, on pensait-tu que les syndicats allaient se mettre à genoux comme dans Manif de la semaine passée, mais que ce serait pas une blague? Ouais, okay. Ah ben ouais, hein, c'est vrai qu'on a des trop bonnes conditions. Oh, oui, c'est vrai qu'on travaille pas assez. Parce que des fois, c'est ça, les anti-Labeaume, un des reproches qu'ils font à Labeaume, c'est de pas avoir réglé avec les syndicats. Mais c'est parce que comment veux-tu régler avec des gens qui veulent rien comprendre et rien entendre? Prendre de front un syndicat, ça se fait pas souvent au Québec. Régis Labeaume est en train de le faire pour le meilleur et peut-être pour le pire, hein, parce que à date, quand on va en cours contre les syndicats, la ville perd, ça coûte de l'argent. Ça va coûter cher encore. Il y a des histoires qui vont traîner. Puis ça, c'est des dépenses de plus. Mais on pensait-tu que la guerre contre les syndicats allait se faire sans sacrifice ou sans perte? Que du jour c'est au lendemain, ça. Des têtes dures qui ont jamais eu d'opposition à la grandeur de la province, des têtes dures qui ont déjà ouvert des portes de premier ministre qui l'ont claqué puis qui ont traité le premier ministre de tout et non, à grands coups de jurons. Vous pensez que du jour au lendemain, il allait dire, ouais, OK, le plancher d'emploi, on va arrêter ça, on va travailler plus, on va gagner moins, on n'aura plus de fonds de retraite, puis tout va être correct, ça va bien aller. C'est voyons ça. Donc. Hier, voyons là, on a eu du grand Labeaume. Moi, c'est pour ça que Labeaume va avoir mon vote, là. C'est pas pour... Je sais qu'il est pas parfait encore une fois, là. C'est pas pour des histoires à la Clatère Rapaille, là, tu sais, qu'on aime Labeaume et que Labeaume est apprécié à Québec. Labeaume, là, il est à 70% dans les sondages à Québec à cause de ça, de ce que vous allez entendre sur la FTQ, sur leur corporatisme et sur leur volonté de constamment engranger les cotisations syndicales et de se mettre riche à coup de cotisations syndicales versées par les membres. Hier, c'était le plancher d'emploi à la Ville de Québec que le maire Labeaume a remis en question. On sait tous que les planchers d'emploi, ça existe pour financer la FTQ. On envoie un chèque de 1,7 million à la FTQ. Ben, bravo Michel Arsenault, excusez-moi, là. Bravo Michel Arsenault. Beau malin. Y en a-tu d'autres des raisons à part ça? Moi, je suis bien ouvert. Là. C'est quoi les autres raisons pour qu'il y ait un plancher d'emploi à la Ville de Québec? Un plancher d'heures de travail, un plancher d'emploi. Et où sont les raisons qui nous rapportent quelque chose à nous autres, les contribuables? Ça m'apporte quoi, là, moi, là, comme payeur de taxes de la Ville de Québec, un plancher d'emploi? Là. Rien. Ça rapporte beaucoup à la FTQ, effectivement. Ça rapporte beaucoup aux syndicats qui ont besoin des cotisations et qui se comportent exactement comme les plus grosses entreprises capitalistes à la planète. Là. Pareil. J'adore entendre un maire dire ça. Pendant des années, j'ai demandé qu'un maire fasse ça. Avec un discours comme ça, ça me tente de plus en plus que Régis Labeaume s'en aille au provincial.